fromage, poisson? Non, pas du tout, monsieur. C'est toute évidence. Un chien de viande blanche. Vous avez vu son nez? Du lapro, sans doute. Ce qui me frappe, c'est son regard. Probablement émincé avec des œufs. Il a l'air intelligent. Dites-moi, monsieur Rivière, si vous n'envisagez pas de faire carrière dans la restauration, appelez-moi. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Je voudrais que vous deveniez mon goûteur. Qu'est-ce qu'avoir bon goût? Peut-on définir une règle au bon goût? Et peut-on, si l'on part de très loin, acquérir un goût qui soit fin, élégant, délicat? Et sommes-nous tous égaux face au goût? Le philosophe qui s'est posé ces questions et qui a tenté d'y répondre s'appelle David Hume. Et comme vous pouvez l'entendre, il est écossais, ce qui en soi n'est ni une preuve de bon goût ni de mauvais goût. Bonjour Clarette Chegaray. Bonjour Adèle Van Rijt. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des Lumières écossaises, de David Hume et de Thomas Reid. Et je présente David Hume en disant que c'est celui qui s'est posé les questions sur le goût, le bon goût, la norme du goût, parce que finalement dans l'histoire de la philosophie, il n'y en a pas beaucoup qui ont réfléchi à cette question. Alors, c'est d'autant plus vrai que le goût chez Hume, taste, signifie peut-être même quelque chose d'un peu différent de ce que nous entendons aujourd'hui, parce que le taste, pour Hume, engage à la fois une affection pour ce qui est beau et à la fois une affection pour ce qui est bon, le goût moral. Cela, il hérite de Hutcheson. Et on peut dire que le goût, c'est une affection pour ce qui a de la valeur, d'une certaine manière, en général. C'est ça, avoir du goût, c'est être capable d'apprécier ou de critiquer. Et cela peut concerner aussi bien quelque chose de beau qu'un talent, une vertu, une disposition. Ce que Hume dit du goût, ce que Hutcheson, avant lui par exemple, disait du goût, concerne aussi nos évaluations morales. Comment essayer de le définir? C'est une aptitude à juger, vous dites de la valeur d'une chose, voilà, c'est ça? Voilà, de la valeur. C'est la capacité à faire un jugement de valeur, si vous voulez. Mais un jugement de valeur, ou ce que Hume appelle une opinion, en fait, qui repose sur une affection principalement, sur une appréciation qui est de l'ordre du passionnel. Alors Hume fait une distinction dans les passions, entre les passions qui seront comme la joie, la colère, des passions qui vont peut-être même nous motiver à agir, et puis une affection telle que le goût, qui est beaucoup plus calme, dit Hume. Ouais. Alors on verra peut-être ce qu'il en est tout à l'heure de cette distinction entre la violence de la passion et puis le calme du goût. Pour l'instant, notons tout simplement que c'est une affection, pourrait-on dire presque de spectateur. Alors, c'est assez schématique d'employer cette notion à propos d'Hume. Elle est beaucoup plus pertinente chez un de ses amis qui est Adam Smith, mais elle est assez utile, en fait, pour dégager trois instances comme ça. Le spectateur, donc, qui juge, vous, quand vous appréciez un tableau, quand vous appréciez le talent ou même le caractère d'une personne. Et puis cette personne, et éventuellement même son bénéficiaire, quand cette personne, par exemple, est généreuse. Donc on a comme ça trois pôles, hein, le spectateur, la personne qui agit, l'agent, et le bénéficiaire. Alors ça, c'est pour la morale, et puis évidemment, en esthétique, il s'agit de juger de la beauté d'un objet qui, elle aussi, on va le voir, peut être apprécié selon différents ordres. En fait. Mais affrontons la difficulté tout de suite, parce que ce que vous dites, ça veut dire que ce qui est beau est forcément bon, et inversement? Non, pas du tout. Et Hume clairement le dit, tout simplement parce que le goût moral est porté à des personnes, alors que le jugement de beau porte sur des objets inanimés. Donc, il ne s'agit pas de confondre les deux. Néanmoins, on va voir qu'il y a des problématiques, disons-le tout de suite. La question du relativisme devrait être affrontée dans chacun des cas. Justement, on y vient, parce qu'on a vu hier comment Hume s'inscrivait dans une philosophie sceptique. Il mettait en question le lien qui unit une idée à la réalité qu'elle désigne. Qu'en est-il alors dans le domaine du goût? Écoutons un premier extrait qui présente justement comment le goût trouve sa place dans une philosophie dite sceptique. Écoutez le texte lu par Vincent Schmitt. S'il est un seul principe enseigné par la philosophie auquel nous puissions nous fier, c'est, me semble-t-il, celui-ci, qui peut être jugé certain et indubitable. Il n'est rien qui soit en soi-même estimable ou méprisable, désirable ou détestable, beau ou laid. Tous ces attributs découlent de la constitution et de la fabrique particulière des sentiments et affections des hommes. Aussi n'existe-t-il pas d'argument ni de raison qui puisse être directement employé avec quelque force ou quelque effet pour diminuer ou accroître la valeur qu'un individu accorde à un objet, ou pour stimuler ou modérer ses passions. Mais bien que la valeur de chaque objet ne puisse être déterminée que par le sentiment ou la passion de chaque individu, on peut observer que pour rendre son verdict, la passion ne considère pas simplement l'objet tel qu'il est en lui-même, mais qu'elle l'examine avec toutes les circonstances qui l'accompagnent. Un homme que la possession d'un diamant transporte de joie ne se borne pas à regarder la pierre scintillante qu'il a devant lui. Il en considère aussi la rareté, qui est la cause principale de son plaisir et de son exultation. C'est ici que le philosophe peut intervenir, pour suggérer des vues, des considérations et des circonstances particulières qui nous auraient échappé. Par ce biais, il peut modérer ou stimuler toute passion particulière. Qui soit en soi-même estimable ou méprisable, désirable ou détestable, beau ou laid, tous ces attributs découlent de la constitution et de la fabrique particulière des sentiments et affections des hommes. Autrement dit, Claire Etchegaray, tel objet n'est pas beau en lui-même, la beauté vient du jugement qui est porté sur cet objet par le sujet. C'est exactement cela, et entendons par jugement le sentiment réellement que le spectateur a, puisque le jugement, d'une certaine manière, c'est une manière de formuler, en fait, la façon dont le spectateur est affecté. Donc rien n'est ni bon, ni mauvais, ni beau, ni laid en soi, et tout dépend, disait le texte, de la constitution interne. Dès lors, en contexte sceptique, puisque les choses ne sont pas par essence telles ou telles, on voit bien que la question du jugement de valeur prend un tour particulièrement problématique. On se demandera alors même quel rôle aura la philosophie si on ne peut jamais communiquer apparemment nos affections et nos sentiments. Or, la fin du texte relevait bien qu'il y a néanmoins un rôle possible de la philosophie, d'après Hume, qui est de dégager les circonstances qui seront tenues pour déterminantes, les circonstances les plus régulières, invariantes, dirait-on peut-être aujourd'hui, qui rentrent dans chacun des cas d'appréciation. Alors, quand on se met en colère, c'est sans doute pour des choses très différentes, vous et moi, mais on va pouvoir quand même distinguer le fait que la colère est un désir qui cherche à faire du mal, et puis dans le ressentiment, un désir qui cherche à faire du mal parce qu'on a eu un certain mal. Eh bien, dans le jugement de goût, Hume disait à l'instant, et on pourra aussi prendre en compte, alors c'est ce qu'il fait notamment dans le traité de la nature humaine, l'intérêt, par exemple, que propriétaire de la chose que nous considérons belle peut avoir dans cette chose. C'est bien la différence, plus tard, avec la distinction que fera Kant entre beauté libre et beauté adhérente. Hume pense que on peut apprécier la beauté en sympathisant avec l'intérêt qu'a le propriétaire. Parce que la notion d'agréable rentre en compte. Oui. On y trouve un intérêt particulier à regarder quelque chose de beau parce que ça nous procure un sentiment positif. Tout à fait. Mais ça veut dire que la beauté est un sentiment? Alors, ce qui est beau, c'est la qualité que l'on attribue à ce qui, effectivement, excite notre goût. Donc, en fait, la beauté comme telle n'est pas un sentiment, mais c'est l'objet de ce que nous apprécions. Donc, si j'apprécie la discussion que tu es en train d'avoir, je veux dire, c'est une belle discussion, au même titre que je vais dire que le vin que j'ai bu hier soir était beau. Ah, alors là, et que le coucher de soleil que j'ai vu en regardant en buvant mon verre de vin. Pour Hume, l'art de la conversation, mais aussi l'art d'écrire, hein, ce qu'il appelle le fine writing, sont effectivement des manières, des savoir-faire qui donnent lieu à un goût et qui peuvent donc justifier d'appeler une conversation ou évidemment un texte ou même un discours de beau. Oui, c'est certain. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans les objets que l'on peut qualifier de beaux. Alors, c'est toute la question. Évidemment, une fois qu'on en est là, peut-être que la toute première question même, c'est de savoir comment on va pouvoir échanger des points de vue, converser à propos de ces objets, si nos jugements sur leur valeur sont si relatifs que cela. Alors, c'est là peut-être même qu'on trouve la question de ce que Hume nomme le standard. Peut-on trouver un standard, une référence qui nous permettrait de nous accorder ou tout au moins de comparer nos différents jugements, de peut-être les étalonner les uns par rapport aux autres, les hiérarchiser. Alors, sur cette notion de standard, peut-être qu'on peut faire différentes remarques. D'abord, la question de la traduction. En fait, il y a trois manières de se traduire le standard qui sont à la fois bonnes et mauvaises. Les deux premières sont assez opposées. C'est la traduction par norme ou la traduction par règle. L'époque voudrait, la traduction historique voudrait que l'on traduise par règle du goût. Et en même temps, la traduction par norme a aussi son intérêt, on va le voir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a dans l'idée de standard une forme, oui, de normativité. Et en un sens, on pourrait bien se dire que cette distinction entre règle et norme n'est qu'une querelle de mots. Norma, en latin, ça signifie équerre, règle ou loi. Simplement, dans la notion de norme, il y a cette idée d'une universalité qui est légatrice, qui régit nos jugements. Quand Kant emploie la notion de norme dans la critique de la faculté de juger au paragraphe 21 et 22 pour désigner le sens commun, il dit que c'est une norme, norme en allemand, unbestimmte Norm, une norme indéterminé. Et qu'est-ce que c'est que cette norme de sens commun ? C'est l'idée que quand on juge quelque chose de beau, implicitement, on pense aussi que tout le monde devrait juger que c'est beau. Ça, c'est la norme au sens de Kant. C'est une norme universelle, indéterminé, dit-il, parce que effectivement, on ne sait pas trop exactement ce sur quoi on pourrait tous s'accorder. Mais on ne peut pas imaginer que tout le monde ne trouve pas ce coucher de soleil beau, par exemple. Et on doit, tout le monde devrait le faire. Chez Hume, c'est plutôt l'idée d'un point de vue qu'on arrive à forger en se mettant à la place des autres. Et donc, c'est plutôt l'idée d'un point de vue que l'on pourrait avoir si on se mettait à la place des autres, voire de tout autre. Et du coup, autant chez Kant, on a une norme universelle qui est une exigence universelle comme telle et qui serait implicite dans notre jugement de goût, autant chez Hume, on a plutôt l'idée d'un point de vue qu'on a forgé, qu'on a modelé sur nos expériences de jugements sociaux, parce qu'à force de discuter avec les gens autour de nous, on a bien vu qu'ils n'avaient pas le même jugement, le même point de vue. Mmh. Et donc, on arrive à modeler sur ces jugements-là un point de vue dont on se dit qu'il pourrait être le nôtre si on dépassait nos petites inclinations. Et ce point de vue va permettre effectivement de modeler éventuellement d'autres attentes. Mais là encore, c'est encore des attentes sociales. Donc, effectivement, si on dit que le standard de Hume est une règle, eh bien, on insiste sur le fait qu'en fait, ce n'est pas un standard qui est complètement délié du factuel, des jugements factuels, mais c'est plutôt un standard qui émerge de nos pratiques sociales. D'où l'énorme différence avec Kant quand même, parce qu'effectivement Kant est un lecteur de Hume, la troisième critique de Kant est sans doute en partie inspirée, ou en tout cas en réécrite en réaction à la suite des textes de Hume sur le goût, mais chez Kant il existe quand même quelque chose que Hume réfute de toute son âme, qui est l'a priori, qui est tout ce qui se situe avant même l'expérience. Il est étonnant de voir que ces deux auteurs si différents ont pu se retrouver. Oui, alors je suis pas sûre qu'effectivement ils se retrouvent vraiment d'une certaine manière, parce que sur un problème dont on peut dire qu'effectivement il est commun, hein, c'est-à-dire le relativisme des goûts, et la question de savoir même comment une entente pourrait être possible, on a quand même deux approches extrêmement antithétiques. Et je finis juste sur la question du standard et de la règle. Vous voyez, Hume dit à un moment dans un texte qui s'appelle « Of Standard of Taste » que le standard, c'est une règle. Si on le traduit par règle, l'inconvénient, c'est qu'on a une forme de tautologie. La règle, c'est une règle. Non. Mais en même temps, le traduire par norme laisse un peu trop, donne un peu trop à penser qu'on est dans une philosophie un peu humienne, où on attendrait comme ça, où on aurait... Kantienne, pardon. Où on aurait déjà une idée de l'universel qui devrait valoir pour tous. La troisième traduction possible, ce serait modèle, qui est, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, hein, c'est qu'effectivement, on modèle nos jugements d'une certaine manière sur le point de vue, mais en fait, Hume réserve modèle pour désigner d'autres choses, pour désigner des exemples paradigmatiques. Par exemple, Cicéron pour l'éloquence, Milton pour la poésie, etc., etc. Donc, c'est modèles qui vont avoir un rôle. Tout à l'heure, quand on va parler de la culture du goût, ils ne peuvent pas être complètement confondus avec cette idée de standard. Je vais vous prendre un autre exemple, peut-être. Je vais commencer par la morale et ensuite on en viendra à l'esthétique. Hume, dans un très joli texte qui s'appelle « Des préjugés moraux », prend un exemple qui, à mon avis, pourrait nourrir les séries contemporaines dont on est friand. Donc c'est une jeune femme qui a décidé de vivre dans le célibat et de consacrer sa vie à l'éducation d'un enfant. Donc elle ne veut pas d'un mari, elle veut un enfant, et au théâtre, elle voit un jeune homme dont la prestance, le port, lui conviennent parfaitement. Il se lie d'amitié, elle lui expose son intention, il est d'accord, le commerce va son train, finalement elle a un enfant. Et évidemment, s'ensuit ce que tout le monde attendrait, tout spectateur attendrait, à savoir que lui cherche à la revoir, cherche à pouvoir éduquer lui aussi son fils. Or, dit Hume dans ce petit morceau fictif, en fait, hein, Hume imagine que c'est à Paris, et Hume dit que ce cas-là ébranle tous les hommes de loi et tous les philosophes, parce que vous voyez bien, on sait pas quoi juger, qu'est-ce qui est bien. Elle lui a dit avant qu'elle voulait éduquer l'enfant seul, et lui voudrait néanmoins, en tant que père, participer à l'éducation. Et Hume, ce n'est pas anodin, dit que ça se passe à Paris, c'est-à-dire sous un gouvernement monarchique. Or, quel est le problème là? De nos jours, on dirait tout simplement que le standard, c'est le bien de l'enfant. Actuellement, on dirait qu'il faut que chacun dépasse ses petites inclinations et qu'on considère le bien de l'enfant. À l'époque, Hume retrouve là un problème qui est vieux comme Hobbes déjà, c'est-à-dire qu'on manque d'une unité de mesure pour juger des choses, que ce soit en morale, mais que ce soit aussi dans les unités de mesure. Rappelez-vous, hein, c'est tout le problème au XVIIe siècle, des unités de mesure. Une pinte à Paris, ça ne vaut pas une pinte à Bordeaux. C'est moins d'un litre à Paris, c'est plus d'un litre à Bordeaux. Bon, donc comment on se comprend? Comment on va pouvoir discuter entre un Parisien et un Bordelais? Et de la même façon, comment le jeune homme et la jeune femme vont pouvoir discuter? Hume dit implicitement, à Paris, en fait, il le dit dans d'autres textes, sous une monarchie, c'est le souverain, c'est une solution à la Hobbes, c'est le souverain qui décrète, en fait. Mais dans une république, dit Hume dans un autre texte encore, de 1742, dans une république où chaque individu est indépendant d'un autre, où chacun a son point de vue indépendant, comment on va trouver un standard? Comment ils vont pouvoir, ce jeune homme et cette jeune femme, trouver un standard? Eh bien, ça, c'est le problème du standard. En morale, et on va retrouver la même chose en esthétique. Et évidemment, il y a la pièce de Yasmina Reza qui a mis en scène ce conflit-là, hein, art, en esthétique, c'est la même chose. On a deux amis qui vont faire appel à Marc et Serge, qui vont faire appel à un troisième Amy Comins qui a le rôle du standard dans la pièce. Et le problème, c'est que ce standard, il, d'une certaine manière, il ne convient ni, les un, ni aux uns ni aux autres. Parce que ce que l'un juge comme étant un chef-d'œuvre absolu, l'autre le qualifie de... C'est ça, de merde. De merde. Et il s'agit en fait d'un tableau blanc, tout blanc, une toile, voilà, toute blanche. Bon, donc, la question c'est comment trouver un standard en matière de morale ou en matière de goût. Mais Hume constate quand même, chez ses contemporains et avec, chez ceux avec qui il vit, dont il est entouré, et même depuis le début de l'humanité, qu'il y a des constantes. Le standard, c'est une chose, je vais dire standard parce que vous avez bien dit qu'on n'avait pas de terme approprié, donc j'imagine que standard en français, ça ne convient pas non plus. Chercher la norme ou la règle au goût est une chose. Constater qu'il y a des constantes, justement, qu'il y a des choses qui reviennent, en est une autre. Il écrit bien hein, dans de la règle du goût, ainsi traduit, oui. « Le même Homère qui plaisait à Athènes et à Rome voici 2000 ans est toujours admiré à Paris et à Londres. Nul changement de climat, de gouvernement, de religion ou de langue n'a pu obscurcir sa gloire. » C'est donc bien qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à Homère, ce qui contredirait ce qu'il a dit dans le premier texte. Exactement. Alors là, vous mettez le doigt en fait sur une conviction profonde qu'a Hume. Il y a des principes originels en nous, en les hommes, que ce soit en matière de morale ou en matière d'esthétique. En matière de morale, on peut les discerner. Et Hume les a discernés dans la seconde enquête, l'enquête sur les principes de la morale, notamment, comme dans le traité auparavant, le traité de la nature humaine. Tout simplement, ces principes sont les suivants. D'après Hume, on juge bon, ce qui est utile ou plaisant, soit à l'acteur, vous vous souvenez, à l'agent dont je parlais tout à l'heure, soit au bénéficiaire. Donc, ensuite, selon les sociétés, on va, bien sûr, il y a tout un ensemble d'habitudes, d'attentes culturelles qui vont faire que ce qu'on juge utile ou plaisant, c'est pas exactement la même chose, bien sûr. Mais c'est toujours quelque chose qui est tenu pour utile ou plaisant dans une certaine société, pour le bénéficiaire ou pour l'acteur, que le spectateur va considérer comme bon. Donc, l'affaire est à peu près entendue pour la morale. Pour le goût, il est beaucoup plus difficile de trouver ces principes originels. Pourtant, Hume pense qu'ils existent. Et alors, je crois, moi, qu'il y avait une forme d'optimisme esthétique chez Hume dans les années 1740. Deux et suivantes, où là, Hume nous disait vraiment, par exemple, dans un texte, il nous dit que le commerce entre États étrangers, le commerce des arts en particulier, permet de faire ressortir une forme d'unanimité, parce que s'il y a quelque chose qui est, par là, la raison et la nature, nous dit-il, parce que s'il y a quelque chose qui reçoit l'approbation de tous, alors, là, on a bien affaire à ce qu'il appelle même à l'époque le vrai goût. Sauf que dans un petit texte de 1742 qui s'appelle « De la naissance et du progrès dans les arts et les sciences », Hume ajoute la raison et la nature ou ce qui y ressemble. Donc, dans cette petite réserve qu'il insère dans une édition ultérieure, en fait, on peut assez bien le dater, en 1753, il ajoute cette petite phrase. C'est la raison ou la nature qui fait l'unanimité ou ce qui y ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, ce qui y ressemble, ça veut dire qu'on n'est jamais sûr, en fait. Alors, comment explique-t-il cette unanimité vis-à-vis d'Homère? Comment explique-t-il, pour prendre un exemple plus récent, que la semaine dernière, on pouvait lire un papier dans le Figaro, il y avait écrit que les deux auteurs préférés des Français sont Marc Lévy et Victor Hugo. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'hierarchie... Très bien. Je crois que on pourrait s'amuser comme ça à faire de la philosophie fiction et à se demander ce que Hume répondrait. Donc, on a dit, on cherche un standard. Pour cela, autant en morale, on peut voir, il suffit de savoir ce qui plaît ou ce qui est utile dans une société donnée. Dans le goût, en esthétique, qu'est-ce que ce sera? Alors, il faut repartir du fait que, en morale comme en esthétique, comme dit Hume, le sentiment est toujours juste. Le standard de base, si je puis dire, c'est notre sentiment. Très bien. Et donc, ça, d'une certaine manière, on ne peut rien y faire si j'aime le chocolat ou j'aime la mer. Très bien. En revanche, il y a ce que Hume appelle la delicacy of taste, la délicatesse du goût. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sensibilité, délicatesse, on pourrait même le traduire de manière très contemporaine, comme hypersensibilité. C'est une hypersensibilité à qui déclenche ce qui excite notre goût. Des qualités que l'on pourrait avoir séparément, que l'on pourrait goûter abstraitement, peuvent être mélangées. La délicatesse du goût, c'est la capacité à goûter ces qualités, même lorsqu'elles sont mélangées avec d'autres, même lorsqu'elles ne sont pas frappantes. Et alors là, donc, si on a, pour un même goût, des délicatesses différentes, vous voyez qu'on va pouvoir comparer, néanmoins, les jugements et les aptitudes de chacun. Il y en a certains d'entre nous. Donc, c'est pas une différence de nature, mais voilà, de degré de délicatesse développé. Exactement. Oui, mais ça ne répond pas à la question de savoir pourquoi est-ce que Homer suscite une telle approbation générale, Victor Hugo de même, ou Marc Lévy. Vous avez raison. L'idée, c'est tout simplement que ce qui résiste au temps, ce sont ces fameux modèles dont je parlais tout à l'heure, ces exemples paradigmatiques, qui mêlent différentes qualités, assurément, mais qui les mêlent à un point d'excellence ou à un degré supérieur aux autres œuvres. Ce sont les œuvres de génie, en réalité, ce que Hume appelle les modèles. Et donc, dans ces œuvres de génie, et pour Hume, Homère, Virgile, Cicéron, pour ce qui concerne l'éloquence, tout au moins, sont des œuvres dans lesquelles, effectivement, notre délicatesse... Délicatesse à quoi ? Pour Hume, il faut bien dire ce qui est. Hume, il est fils de son temps, et on voit bien dans toutes ses œuvres, que, à travers les exemples qu'il prend, que ce qui est beau, c'est quand même l'ordonnancement, l'harmonie. Mmh. Il y a une forme de classicisme chez Hume. Eh bien, ces œuvres qui résistent au temps, qui font qu'on les goûte encore aujourd'hui, comme on les goûtait dans une autre société totalement différente dans l'Antiquité, ces œuvres-là sont le signe, effectivement, de ces principes originelles de goût qu'on peut avoir du mal à identifier, mais qui sont, d'après Hume, bien toujours présents dans la nature humaine. Donc il ne les définit pas. Il apparaît donc que dans toute cette variété capricieuse du goût, il existe certains principes généraux d'approbation ou de blâme dont un œil attentif peut déceler l'influence dans toutes les opérations de l'esprit. On n'en sait pas plus. Alors on va prendre un exemple pour définir d'ailleurs ce qu'il entend par délicatesse. C'est un exemple qu'il donne lui-même dans son essai sur le goût. Il cite Don Quichotte. Il cite un exemple où Sancho raconte une anecdote dans laquelle, alors je vous en dis pas plus, découvrez-la, dans laquelle il est question d'une extra sensibilité de la langue et du palais qui va jusqu'à déceler un tout petit ingrédient au sein d'un tonneau de vin. « C'est à bon droit, dit Sancho au chevalier au grand nez, que je prétends savoir juger d'un vin. C'est une qualité héréditaire dans notre famille. Un jour, deux de mes parents furent appelés à donner leur opinion au sujet d'un tonneau de vin censé être excellent en raison de son âge et de la qualité de son cru. Le premier le goûte, le considère, et après mûre réflexion déclare que le vin est bon, mais qu'il y perçoit un petit goût de cuir. Le second, après s'être entouré des mêmes précautions, rend aussi un verdict favorable avec cette réserve qu'il pouvait aisément distinguer un goût de fer. Vous n'imaginez pas comme ils furent tous deux raillés pour leur jugement. Mais qui furent les derniers rieurs ? Après avoir vidé le tonneau, on découvrit au fond une vieille clé attachée à une lanière en cuir. Bien qu'il soit certain que le beau est le laid, plus encore que le doux et l'amer, ne sont pas des qualités des objets, mais qu'ils relèvent entièrement du sentiment interne ou externe, on doit reconnaître que les objets possèdent certaines qualités qui sont naturellement propres à produire ces émotions particulières. Lorsque les organes sont à la fois assez fins pour ne rien laisser échapper de la composition et assez exacts pour en distinguer chacun des ingrédients, voilà ce qu'on appelle la délicatesse du goût. Ah, ça c'est un Claude Labbé. Premier grand cru de Saint-Émilion. Il est magnifique, non ? Superbe nez. Fruits rouges, évidemment. Pivoine, non ? Eh non, églantine. Les arômes d'un vin, ça raconte tout. C'est comme le parfum d'une femme. Et où c'est une tubéreuse, vanille, fleurie et poudrée, et donc c'est un guerlain, et c'est l'or bleu. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Il part Marcel, il met un truc dans les cuves, je l'ai vu faire. Un truc qu'il garde dans une petite boîte. Oui, je sais. Bon, c'est pas des levures, au moins. Non, c'est des cendres. C'est les cendres de son père. Les cintrés. Oui, un peu, mais sur toute une cuve, ça se sent pas. Hein. Pourquoi il fait ça? Eh ben, parce que c'est une manière de rendre hommage à son père. Du moment qu'il ne me salope pas mon vin. De la clé à lanière de cuir au fond d'un tonneau de vin jusqu'aux cendres de son père que le personnage du film « Tu seras mon fils » hein, de Gilles Legrand dispense au fond de la cuvée pour donner un goût particulier au vin. Il est intéressant que lorsqu'on parle de délicatesse du goût, Claire Etchegaray, c'est souvent l'exemple du vin qui vient en premier. Oui, c'est très juste. C'est vrai qu'il y a un art, hein, assurément, un art de goûter et l'analogie, en fait, entre le goût gustatif et le goût esthétique est effectivement importante pour Hume, notamment avec cette petite anecdote du tonneau de Sancho, parce qu'elle montre précisément que, alors, dans le cas du goût gustatif, d'une certaine manière, on sait, on peut repérer les principaux ingrédients. Et donc, on peut identifier ce qui suscite tel ou tel goût. Dans le cas du goût esthétique, il va falloir là trouver ces fameuses qualités qui excitent notre goût, qui font qu'on apprécie un objet, mais sans toujours avoir la recette, si je puis dire. Et donc, l'analogie est certes intéressante, mais elle a d'une certaine manière quand même une limite qui, je crois, rejoint ce qu'on disait en tout début d'émission, à savoir que l'essence des choses nous échappe fondamentalement et donc on ne sait pas exactement quelle qualité en soi pourrait susciter en nous tel ou tel goût. Ça, ce serait un premier contresens qu'il ne faudrait pas faire, je crois, sur l'analogie entre le goût gustatif et le goût esthétique. Néanmoins, que montre cette belle analogie? C'est que la délicatesse du goût est susceptible, finalement, de dépasser, de renvoyer dans leur pénate, si je puis dire, les critiques, ceux qui se pensaient connaisseurs. Alors vous savez qu'il y a il y a un petit débat pour savoir si l'esthétique de Hume, c'est finalement une esthétique de l'homme ordinaire ou d'expert. Ce qui est certain, c'est que c'est pas une esthétique de learned, d'érudit, bien sûr. Ces critiques, qui fait une allusion à Don Quichotte, à la fin de ce texte, les critiques sont finalement raillées parce que eux-mêmes ignoraient ce qu'il y avait au fond du tonneau. De même que dans le film dont vous présentez un extrait, il y a des cendres au fond du tonneau. Et ces critiques-là, en fait, ne peuvent pas le sentir. Donc, parce qu'ils n'ont pas cette délicatesse. Et donc, finalement, celui qui a bon goût, c'est celui qui non seulement a une sensibilité à ce qu'il tient pour des qualités, puisque notre entendement est ainsi fait que nous projetons, si vous voulez, nous attribuons aux choses des qualités, donc la mère, mais sur le mode des qualités secondes, hein, au tout début of Standard of Taste, le parallèle est fait avec les qualités secondes, la mère, le doux, ce qui donnait lieu dans l'Antiquité aux arguments sceptiques, hein, bien sûr. Finalement, la mère, est-ce qu'il est dans les choses ou en nous, on ne peut pas savoir, et donc on ne dit rien de l'objet. Eh bien, de la même façon, d'une certaine manière, on a tous un goût à certaines, à ce qu'on tient pour des qualités, et ensuite, eh bien, c'est une question de délicatesse, savoir retrouver le goût, effectivement, le goût minéral dans un chablis, le goût, le goût de framboise dans un Bordeaux, etc., etc. Donc, il est certain que l'analogie avec le vin est vraiment porteuse et éclairante de ce point de vue-là. La question est de savoir dans quelle mesure le critique, qui serait peut-être l'homme de goût justement par excellence, établit lui en retour cette norme du goût, cette règle du goût, en fait, de manière purement empirique. C'est celui qui s'instaure, qui s'auto-installe comme étant celui qui sait, au fond. Alors, je crois que justement Hume donne les moyens de critiquer hein, cette posture qui se prétendrait savoir pour les autres. Néanmoins, c'est il est certain que il y a une manière de raffiner nos goûts par conséquent, le meilleur critique, c'est celui qui aura cette délicatesse de goût, mais pas seulement, nous dit Hume, celui qui aura du bon sens, celui qui sait faire ses jugements tout à l'heure dont je parlais, c'est-à-dire se mettre à la place d'autrui. Ça veut dire quoi, se mettre à la place d'autrui? C'est savoir ce que je ressentirais si. C'est ça, hein, qu'on demandait au jeune homme ou à la jeune fille. Savoir ce que je ressentirais si. Ça, en philosophie contemporaine, ça s'appelle faire un contrefactuel. Hein. Donc c'est faire un jugement, un raisonnement. Il faut savoir faire ça, il faut avoir du bon sens, il faut savoir... Donc il faut des connaissances quand même. Il faut avoir, une capacité à raisonner, ne serait-ce aussi que pour établir à quoi sert une œuvre. D'après, c'est ce que dit Hume, hein, il faut, quand une œuvre est le produit de l'art humain, elle a été faite dans une certaine fin, et donc il faut savoir reconnaître cela. Et puis la troisième chose qui fait que le critique de Hume se doit être un homme d'art, d'expérience de l'art, c'est la pratique d'un art. Hume ajoute que la pratique d'un art permet effectivement de raffiner. Donc nous ne sommes pas tous égaux. En fait, c'est à l'écart de cette question. Non, c'est vrai. J'ai trouvé ça évident. Mais c'est pas parce que le goût, enfin la beauté et même ce qui est bon se base sur un sentiment. Là, on pourrait dire, alors du coup, c'est universel. On peut tous en droit atteindre ce grand raffinement du goût. De fait, il faut quand même beaucoup aussi de données, culture. De culture, sans doute d'un certain milieu social. Enfin, c'est en cela qu'il y a une différence. Oui, mais je pense que Hume donne les moyens de penser que cette culture, c'est pas une culture sociale toute faite. C'est l'expérience de l'art, c'est la fréquentation des œuvres. Donc, vous avez un certain goût. Si vous savez reconnaître à quoi vous êtes sensible, si vous fréquentez des œuvres où ces qualités reviennent et que vous appréciez, et si en particulier vous fréquentez des modèles. Oui, un sociologue bourdieusien vous rétorquerait qu'alors là, oui, dans ce cas, il y a vraiment une grande inégalité de chaque homme par rapport à son développement, à son raffinement du palais. Je crois que, en un sens, Hume nous permet de penser les deux et en fait nous permet de penser le problème. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, la culture du goût, c'est pas une histoire de connaissance quand même. C'est pas une histoire de connaissance, c'est une histoire d'expérience. Mais il faut avoir l'opportunité de ces expériences, assurément. Alors, une œuvre d'art qui interroge le rôle des critiques, les présupposés, les préjugés liés aux critiques et le pouvoir parfois qu'ils s'arrogent et qui plaide en faveur d'une éducation possible au goût, eh bien c'est Ratatouille. Ah ! Non et non ! Crache-moi ça tout de suite ! Oh, il faut que je fasse toute ton éducation. Ferme les yeux. Alors, prends une bouchée de ce... Ah ! Non ! N'avale pas ça comme ça, voyons. Trop tard. Tiens. Tu mâches doucement et tu te concentres sur le goût. Alors, tu sens? Pas vraiment. Ce goût de crème douce amère, cette pointe de noisette légèrement piquée. Tu sens tout ça? Oh, il n'y a pas que la noisette qui est piquée. Ferme les yeux. Et maintenant, goûte-moi ça. C'est tout à fait autre chose, hein? Subtil, croquant, un peu plus corsé sur la fin. D'accord. Maintenant, essaie les deux ensemble. D'accord. Je crois que je commence à sentir un petit quelque chose. Oui. Le petit goût de noisette. Tu vois? Un peu corsé. Voilà. Maintenant, imagine toutes les saveurs qu'il y a dans le monde, les possibilités infinies de combinaisons que personne n'a jamais essayé, tout ce qu'il reste à découvrir. Attends. Non, j'ai perdu. Aïe, aïe. Mais c'était intéressant, hein. Bien qu'en termes de délicatesse, la nature ait créé de grandes différences entre les individus, rien ne contribue autant à accroître et améliorer ce talent que la pratique d'un art particulier, ainsi que l'étude ou la contemplation répétée d'une espèce particulière de beauté. Quand des objets de quelque espèce se présentent pour la première fois au regard ou à l'imagination, le sentiment qu'ils suscitent est encore obscur et confus, et l'esprit est dans une large mesure incapable de se prononcer sur leurs mérites ou leurs défauts. Le goût n'est pas en mesure de percevoir les différentes perfections de l'ouvrage, ni à plus forte raison de distinguer ce qui caractérise chacune de ces perfections et ce qui en fait la qualité et le degré. Mais laissez-le acquérir de l'expérience, et ses émotions gagneront en exactitude et en qualité. Non seulement il percevra les beautés et les défauts de chaque partie, mais il remarquera les traits caractéristiques de chaque qualité et lui décernera l'éloge ou le blâme qu'elle mérite. Le brouillard qui semblait d'abord envelopper l'objet se dissipe. En un mot, l'adresse et la dextérité que la pratique confère lors de l'exécution d'une œuvre s'acquiert également et de la même façon quand il faut en juger. De Ratatouille à David Hume, vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie, en compagnie ce matin de Claire Etchegaray pour parler des questions de goût chez le philosophe David Hume. Donc, en écoutant l'extrait du film, vous entendez, enfin je vous voyais avoir envie d'intervenir, Claire Etchegaray, je voulais juste lire l'extrait que nous commentions avant de vous donner la parole à ce sujet, ça vous a inspiré je crois. L'extrait, rappelons-le, c'est simplement, oui. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, d'ailleurs c'est un rat. Donc le rat s'appelle Rémi dans le film Ratatouille, et c'est lui qui s'est cuisiné, et il va apprendre à Linguiné, un jeune apprenti, à cuisiner en se mettant sur sa tête et en tirant ses cheveux, de manière à pouvoir le guider comme un humain guide un cheval en réalité, et c'est ainsi qu'il va faire croire que l'homme s'est cuisiné alors que c'est le rat qui s'est cuisiné. Et donc je salue en fait finalement la confrontation entre les deux textes que je trouve assez fine. Et étonnamment, c'est dans le premier texte donc de Ratatouille que je trouve matière là à faire une remarque. Une nouvelle carrière s'ouvre. Tout simplement parce que, alors je ne sais plus quels sont les noms des deux protagonistes, mais celui qui fait goûter, qui est manifestement cuisinier, et qui fait goûter, je crois que c'est à son frère, si je me trompe, ou je ne sais plus dans cette scène-là. C'est Rémi, et qui fait goûter à Émile, son frère. D'accord, à Émile, son frère, c'est ça. Eh bien, donc, on sent qu'à un moment, Émile est touché par le mélange, la composition elle-même. Et donc, c'est peut-être ça le défi du goût esthétique, je disais, par rapport au goût gustatif. Mais ici, là, on voit comment ces choses peuvent se renverser d'une certaine manière. Peut-être que dans la cuisine elle-même, maintenant, il y a un goût esthétique, évidemment, qui peut être développé. Mais le goût esthétique dont je parlais tout à l'heure, c'est précisément celui qui est sensible à une qualité qui peut-être n'émerge que dans la composition. Si c'est ça, alors, évidemment, c'est beaucoup moins facile que d'aller voir au fond du tonneau, parce qu'on ne peut pas vider le tonneau en esthétique, vous voyez. Et donc, de la même façon peut-être qu'en cuisine, il y a un alliage, il y a des alliances de goûts qui font que autre chose émerge. Et donc là, la question de savoir à quoi on est sensible, qu'est-ce qui excite la délicatesse du goût est beaucoup plus difficile, et il faut alors toute l'expérience décrite par Hume dans le second texte pour y parvenir. Mais même là, ça postule quand même une forme, j'y reviens, cette question d'égalité, mais cette fois-ci vraiment physiologique, oui, de nature. Est-ce que à conditions économiques, sociales, culturelles égales, et avec un même professeur, deux palais vont forcément se développer de la même façon? Mais, la réponse est vraiment, je crois, simple chez Hume, c'est on ne peut pas savoir, et sans doute que non, en fait. Et si on pouvait savoir, ce serait non. Non, sans doute que non. Ouais. Mais c'est pour ça que la question du goût intéresse un sceptique tel que Hume, parce que c'est vraiment le domaine par excellence où il n'y a pas de réponse, en fait. Oui, mais donc, voyez, vous-même tout à l'heure, vous me disiez, mais en même temps, il y a bien des principes originels. Et c'est vrai que dans certains textes de Hume, surtout les premiers textes des années 40, vous allez trouver la phrase dans laquelle tous les principes de toutes les passions et de toutes les affections sont chez chacun des hommes, en chacun de nous. Donc, à la fois, il y a une forme quand même d'universalité. Hume pense réellement que, surtout dans ces années-là, il suffit de réveiller, d'éveiller le goût qui est, les principes du goût qui sont en chacun. Et en même temps, ça c'est ce sur quoi il insiste beaucoup en 1757, en même temps, on a des constitutions internes, comme il le dit, une physiologie même, singulière, qui fait que... si ces principes sont là, reste néanmoins que les goûts seront très différents. Mmh. Et les délicatesses de ces goûts-là seront elles-mêmes multiples. Mais quelles conclusions en tire-t-il finalement? Parce que ces essais esthétiques sont assez courts. Il s'inscrit dans une œuvre qui est beaucoup plus large. On parlait hier de l'échec relatif de son vivant, ouais, de ses publications philosophiques, et au contraire du succès qu'il rencontre en tant qu'historien. Pourquoi ces essais sur le goût dans sa trajectoire? Moi, je ne serais pas aussi sévère que ça. Il me semble qu'il a quand même, surtout là, en 1757, il commence à avoir une réputation bien assise. Et même, en fait, le pseudo-échec éditorial du traité est quand même à minorer. Mais en fait, il y a eu des recensions, les chercheurs l'ont bien montré. Mais... il me semble que cette question d'une éthique de la discussion n'est pas du tout accessoire chez Hume, déjà d'un point de vue politique, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment la question de savoir comment on peut s'entendre les uns les autres, que ce soit en matière de morale, en matière esthétique ou pour toute autre question d'appréciation, de jugement de valeur, ça c'est déjà un point très important. Il y a la question aussi de savoir, en particulier, et à l'époque ce n'est pas anodin, comment apprécier, tout à l'heure on disait chez Hume clairement ce qui se dégage c'est une sensibilité à l'ordre et à l'harmonie. Alors comment on apprécie l'ordre? Et il y a une question, il y a un domaine dans lequel cette question compte en particulier, c'est inattendu, mais c'est la religion en fait. Tout simplement parce que savoir si le monde est plus ou moins bien ordonné, ça donne lieu ou non à un raisonnement dit a posteriori, qui conclut que ce monde est ou non le produit d'un créateur bienveillant, intelligent, etc. Et donc cette question-là, en fait, de l'ordre, de l'appréciation de l'ordre, on va la retrouver, par exemple, encore un peu plus tard, dans les dialogues sur la religion naturelle. Un autre prolongement possible à considérer, donc, comment apprécier? Eh bien, vous me disiez, Hume, il est d'abord, et là, vous avez parfaitement raison, hein, Adèle, hein, il n'est pas d'abord, à l'époque, connu en tant qu'historien, et en France, c'est le cas aussi. Mais en histoire, c'est aussi tout un art de l'appréciation. C'est pas seulement un art du raisonnement probable qui dégage des causes, c'est aussi un art de l'appréciation, de savoir qui est responsable, entre guillemets, ou quel motif a pu conduire à telle ou telle. Oui, il n'y a pas d'objectivité. Et là, une fois encore, la question de savoir comment juger le plus justement possible en dépassant le relativisme prégnante. Lui qui distingue tant son travail de sa vie, enfin qu'il estime que certains sujets sont importants à traiter philosophiquement, mais ça ne veut pas dire que ça a une implication pratique directe, que la suspension du jugement qu'il promeut ou qu'il explique dans ses essais philosophiques n'implique pas un lien tout à fait chaleureux et amical avec ses amis. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'on peut être, vraiment humien? Est-ce que vous êtes humienne, Claire Etchegaray? Je ne sais pas. Me dites pas que j'avais posé la question. Non, mais en revanche, je vous répondrai en humienne. C'est-à-dire, je l'aime, j'aime vraiment. Il donne les moyens de penser effectivement l'amour d'un auteur, je crois. Pour ma part, c'est absolument le cas, bien que cet amour ne soit absolument pas exclusif. En revanche, est-ce que vous pouvez repréciser ce que vous disiez? Vous pensez que chez Hume, le scepticisme, en fait, une forme de scepticisme total, pyrrhonienne, ne puisse pas être finalement vécu comme suspension du jugement, assurément. En revanche, si le scepticisme, selon moi c'est le cas, une certaine perturbation de la croyance, parce qu'il y a certains raisonnements philosophiques, quand on les mène jusqu'au bout, en fait, ça vient quand même perturber notre croyance. Si on commence à se dire qu'effectivement, d'une certaine manière, il n'y a pas de chose en soi au-delà de notre perception, c'est un petit peu quand même perturbant. Cette perturbation-là, je pense qu'on peut la vivre. Et cela donne quoi en pratique? Cela donne, pour faire très court, une disposition à réviser nos croyances. Et cette disposition-là, à réviser nos croyances, à se dire qu'en fait, on n'est pas fait pour la vérité. Peut-être qu'on n'est pas fait pour la vérité. On a des capacités de raisonner, d'apprécier, mais peut-être qu'on n'est pas fait pour discerner le vrai bien, le vrai beau. Eh bien, évidemment, cela développe une disposition, et une disposition pour boucler la boucle, peut-être précisément à l'écoute du point de vue des autres, en fait. Hume nous enseigne qu'on n'est peut-être pas fait pour la vérité et que c'est pas un problème. C'est surtout ça. C'est pas forcément un problème. Ça dépendrait dans quel texte. Moi, je pense qu'il a un vrai plaisir à y voir un problème de temps en temps. Oui, mais c'est pas un drame. Ce que je veux dire, c'est que la philosophie de Hume n'est pas dramatique, angoissante. Il affirme quand même qu'on n'est pas sûr que le soleil se lèvera demain matin, mais il dort très bien. D'accord, mais c'est pas un irrationalisme. Quand il prend cet exemple-là dans la première enquête, c'est un exemple pour dire qu'en fait, on ne peut pas fonder ultimement sur une raison première nos attentes vitales. Néanmoins, c'est un exemple qu'il prend pour montrer qu'on a des attentes raisonnables et rationnelles. Et tout le problème, c'est qu'on les tient pour différentes de préjugés. Comment on va faire la différence ? Voilà, mais ça c'est autre chose en fait, c'est peut-être qu'on dépasse un peu le cadre de notre discussion sur le goût, mais il y a un vrai souci quand même de distinguer entre les croyances, disons les plus régulières, et les préjugés. On dépasse notre discussion, mais c'est parce que c'est le sujet de l'émission demain, figurez-vous. Le soleil se lèvera-t-il demain? Alors si le soleil se lève, eh ben, on se posera la question de savoir si le soleil se lèvera le lendemain. Ça, ce sera donc demain. Merci alors, beaucoup à vous. Alors, quelle chance. Bonne émission. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour cette émission avec vous et cette discussion en votre compagnie, Claire Etchegaray. On peut lire de vous un ouvrage que vous avez consacré à ce grand penseur qu'est David Hume, L'Esprit Sensible, qu'on trouve aux éditions Belin. Vous nous avez confessé votre amour pour Hume. On se quitte avec une chanson d'amour, Le Premier Goût, First Taste of Love, c'est Benny King. The very first time you kissed me, it was so thrilling. What made it so great was I knew that your heart was willing. I never thought that I'd give love a try. Then you came a-walking by and gave me my first taste of love. The very first time you held me, it was so nice. I finally found this place they call paradise. Oh, I was such a sad and lonely guy. Then you came a-walking by and gave me my first taste of love. Your lips upon my lips, your arms around my. How can I forget that first taste? So keep your head on my shoulder, stay real close, baby, don't let go. Don't think of tomorrow, let's live for tonight, because I love you so. You see that love light gleaming in my eye. Of love. Swear it's never gonna die, 'cause I've got my first taste of love. Swear it's gonna never die, 'cause I've got my first taste of love. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosta-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous faites part de votre méditation sur la mort. Alors ça n'est pas une réflexion inédite, tout le monde a pensé à la mort. Certains en ont fait des chefs-d'œuvre, des monuments de littérature, de chansons ou de philosophie. D'autres ont simplement envisagé la fin dans le secret de leur âme. Certains sont allés s'allonger des années sur le divan pour y faire face. D'autres l'ont refoulé en se divertissant, mais personne n'y a échappé. Et personne n'y échappera d'ailleurs. Est-ce que ça fait mal? Qui va pleurer ma mort? Que vais-je manquer en disparaissant de ce monde ? Sont peut-être quelques-unes des questions que vous vous êtes déjà posées. Et puis, il y a celle-ci. Qu'est-ce qu'on retiendra de moi ? Sa famille, qui l'indique visiblement à l'AFP, ça vient de tomber, l'ancien président de la République, qui serait donc décédé selon les toutes premières informations. On va évidemment y revenir dès qu'on aura d'autres informations. Le président de la République de 1995 À 2007, après plusieurs tentatives pour accéder à l'Élysée, il avait fini par être élu en 95. Beaucoup ont dû se faire la réflexion avec la disparition de Jacques Chirac et le nombre d'hommages rendus. Les rédactions semblaient dans les starting blocks, chacune prête à dégainer sa nécrologie de l'ancien président, son reportage, ses photos et ses articles sur Chirac bon vivant, Chirac et l'écologie, Chirac et la mairie de Paris, etc., etc. Suite à cette séquence, un article de Libération a ainsi expliqué le processus d'écriture des nécrologies, alors qu'un lecteur demandait « Quelles sont les nécrologies que le journal a déjà en stock ?» Et c'est une question que je me suis souvent posé quand et comment envisage-t-on d'écrire la nécrologie de quelqu'un ? À partir de quels critères décide-t-on de mettre en avant ou pas tel élément de sa vie ? Au-delà des faits, date de naissance, d'élection, nombre d'albums vendus ou prix remportés, qui est en droit de choisir tel angle pour une personne qui ne se réduit pas à une frise chronologique ? De là, ma question. Que retenir de quelqu'un qui disparaît ? Avec Jacques Chirac, la question se pose à peine. Tout a été dit sur lui. Mais de moi, que retiendra-t-on ? C'est une question qui peut paraître égocentrique, mais qui est essentielle pour chacun d'entre vous. Car souvenez-vous du mot de Sartre, l'existence précède l'essence. Une fois l'existence finie, on ne peut donc plus y échapper. Il est temps de se définir. Mais comment faire une fois que l'on n'est plus là ? Mes chers compatriotes, vous êtes là pour lui. Pour Johnny Hallyday. Soixante ans. La mort de Johnny Hallyday a été une longue agonie médiatique, sur plusieurs jours, sur tous les fronts, sous toutes les formes, de ses meilleurs titres à, et ça dure encore, la question de son héritage. Comme pour Jacques Chirac, rien ou presque n'a été oublié. Mais quand on a tout dit ou presque, a-t-on vraiment dit quelque chose de quelqu'un ? Eh bien, je ne crois pas. Et en même temps, ne faut-il pas trop que pas assez en dire. Car en effet, comment faire pour tous les autres, pour la majorité silencieuse ? Que reste-t-il de tous ceux, et ils sont nombreux, comme vous et moi qui ne sont pas connus comme Chirac et Johnny ? Qui pour écrire la nécrologie de tous ces inconnus ? Là est le problème de la nécrologie. Trop ou pas assez, et pourtant nécessaire pour saluer nos morts, la nécrologie ne fascine pourtant que celui qu'elle concerne et qui comble du sort n'est en général pas là pour la lire. Et si elle fascine les autres, c'est parce qu'elle nous renvoie à nous, à notre propre mort, à ce qu'on aimerait qu'on retienne de nous. Le problème n'est donc pas que comment faire pour se définir une fois mort, mais comment faire pour se définir tout court. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines. Imaginez lire ce que la postérité, même à une toute petite échelle comme celle de votre famille ou de vos amis, gardera de vous et mesurer l'écart ou la proximité avec vos propres impressions. Retiendra-t-on de moi ce que je veux qu'on retienne ? En qui avoir confiance pour faire ma nécro ? Le problème est que je n'ai même pas confiance en moi pour contenir en quelques mots l'amplitude de mon existence. Car, et j'en reviens encore à Sartre, on a d'abord tendance à se définir à partir de quelques traits caricaturaux ou aimables, tel un garçon de café et loin de ce qui fait une essence unique. Au fond, la nécrologie porte peut-être très bien son nom, elle ne dit rien de la vie et révèle au moins une chose, Sartre n'est pas allé assez loin, l'essence d'une personne n'apparaît peut-être même pas au moment du point final. Merci beaucoup Géraldine, votre essence on peut essayer de la saisir en réécoutant votre chronique sur le site de France Culture. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Sonia Leglen à la réalisation cette semaine, Élise Le à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du philosophe David Hume. Eh bien, demain, nous serons en compagnie de Guillaume Lejeune et on se posera une question. Le soleil se lèvera-t-il demain? Si c'est le cas, on sera là pour la mission à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, pour écouter l'émission en ligne ou la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, comme la chronique du journal de la philo. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on met en ligne quotidiennement l'émission et la chronique, et on attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit d'ailleurs, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.